Le desparasitaje podal c'est clair pour vous. El desparasitaje podal está claro para nosotros, ¿verdad? Ah, on a dit que c'est, en fait, trois étapes de desparasitaje podal. Hemos dicho tres puntos. Uno es el desparasitaje podal. Une qu'on pourrait nommer proprioceptive. Otro que lo podemos nombrar proprioceptivo. On va traiter par l'intermédiaire de la thérapie manuelle informationnelle. Que lo vamos a tratar mediante la terapia manual informacional. Les dysfonctions organiques articulaires. Las disfunciones orgánicas articulares. Donc là, on peut traiter notamment, on l'a vu, avec la bande interne. Que sabemos que los podemos tratar con la banda interna. Et puis, le déparasitage des épines irritatives d'appui plantaire. Et le desparasitaje de las espinas irritativas de apoyo plantar. Okay. Donc ça, c'est clair pour vous. Esto está claro, ¿no? L'autre déparasitage, c'est le déparasitage somatique. Et l'autre desparasitaje, que es el desparasitaje somático. Ce qu'on est en train de voir avec des stimulations réflexes spécifiques. Lo que estamos viendo con las estimulaciones reflejas específicas. Soit au niveau vertébral, soit au niveau costal. Sea a nivel vertebral o sea a nivel costal. Mais pour l'instant, on va surtout réfléchir au niveau métamérique. Pero sobre todo lo que vamos a reflexionar es a nivel metamérico. Ce que je veux dire par là, c'est que par rapport au traitement proposé, aquí lo que nos va a decir relación a los tratamientos que proponen, on va pas faire de différence par rapport à la stimulation entre une côte et une vertèbre. No vamos a hacer diferencias de la estimulación para una vértebra o para una costilla. Mais par contre, il faut que vous, d'un point de vue clinique, pero vosotros, desde el punto de vista clínico, vous soyez bien conscients est-ce que c'est la vertèbre ou la côte. Tenéis que ser conscientes si es vértebra o es costilla. Ou les deux. O los dos. Et de voir que votre traitement restaure la mobilité au niveau vertébral et au niveau costal. Y tenéis que saber que el estímulo restaura la movilidad a nivel vertebral y a nivel costal. D'accord. Alors, donc là, on va se pencher un petit peu sur la remédiation. Aquí vamos a ir un poquito hacia la remediación. Remédiation sous-entend mémorisation. La remédiation se puede sobreentender como memorización. Les scientifiques parlent également d'habituation. Los científicos hablan de la habituación. Et, par exemple, Kendall, qui a eu un prix Nobel pour ses travaux sur la mémoire, Kendall, que tuvo un premio Nobel por su memoria, a trabajé donc sur un espèce d'escargot, là, ici. Kendall trabajó sobre una especie de caracol, que es la ischia, en stimulant mécaniquement, vous voyez, sa branche. Estimulando mecánicamente bronquios, bronchi. Oui. Mais c'est toujours branchi, c'est le truc du poisson. Ah, vale, non, la branquia. Et il a vu qu'au bout d'un certain nombre de stimulations, il vio que después de cierto número de estímulos, à ce moment-là, on avait une modification, une mémorisation du comportement animal. Vio que había una memorización del comportamiento del animal. Il y a des travaux plus anciens qui ont été faits par Pavlov, que vous connaissez. Donc, un chien dans les conditions expérimentales. Si on lui montre de la viande, il va baver. Et en même temps, on va associer un stimulus conditionnel. Y al mismo tiempo asociamos el estímulo condicional y va a ser una cloche. Que va a ser una campanita. Dans une deuxième partie, même quand il ne voit pas la viande, il y a simplement la cloche. Cuando en un segundo tiempo, cuando aunque no vea la carne, estimulamos con la campana. Y va a ser la y ya se pone a volar. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, quand deux informations arrivent en même temps, lo que hay que entender es que cuando dos informaciones informaciones llegan al mismo tiempo. Es vont permettre de se synchroniser, de se remplacer. Esto permite la sincronización y el reemplazamiento. Donc ça, et quand il y a une répétition, y cuando hay una repetición, ça va conduire à quoi? À modifier le comportement. Y cuando la cosa repite, esto a qué nos lleva? A modificar el comportamiento. Un comportement, c'est saliver. Entonces el comportamiento es salivar. Je peux saliver parce que enfin, le chien peut saliver parce qu'il voit de la viande. El perro puede salivar porque está viendo la carne. Ou parce qu'il y a un son. O porque hay un sonido. Donc, dans cette histoire-là, on peut dire que la semelle replacerait la cloche. En este caso, podríamos decir que las plantillas reemplazan la campanilla. D'accord. Alors, l'apprentissage moteur, il est en partie lié à la perception codale. L'apprentissage moteur est en partie lié à l'apprentissage moteur. L'apprentissage moteur est en rapport avec la perception codale. L'apprentissage moteur est lié à la perception codale. Mais bon, si. Ok. Alors, donc, si on fait marcher quelqu'un les yeux fermés, si hacemos caminar a alguien con los ojos cerrados, on va le faire marcher plusieurs fois. Le vamos a hacer caminar varias veces. Globalement, il ne va pas prendre le même chemin, mais il va marcher droit devant lui. Il ne va pas coger siempre le mismo camino exactamente, pero en general va ir recto. Quand on lui demande de fermer les yeux. Cuando le pedimos que cierre los ojos. Si on le fait marcher les yeux ouverts sur un tapis roulant, si le hacemos caminar con los ojos cerrados, con los ojos abiertos sobre una cinta que gira, quelques dizaines de minutes, algunas décimas de minuto, quand on va le faire marcher après les yeux fermés, algunos minutos, perdón, cuando después le pedimos que camine con los ojos cerrados, il va marcher en rond. Va a caminar en redondo. On lui a pas donné la consigne. Y no le hemos dicho nosotros. C'est le fruit de la marche sur le tapis. Es el fruto de caminar sobre la cinta. Alors, pour la discussion, c'est quels sont les capteurs qui comprennent ça? Entonces, la discusión es, ¿cuáles son los captores que nos llevan a esto? Est-ce que c'est l'œil? ¿Es el ojo? À votre avis. ¿Qué pensáis vosotros? Alors, l'œil, si on rejette l'œil, pourquoi on rejette l'œil? Pourquoi desechamos el ojo? Les informations quand on marche sur le tapis roulant qui vont induire la marche en rond pourraient, pourquoi pas, venir de l'œil. Pero dice que las informaciones cuando estamos con los ojos abiertos encima de la plata, de esta plataforma, la información puede venir de los ojos. ¿Por qué lo descartamos? Là, dans l'expérience, más chocas son más del culo. Sí, sí. Le está diciendo que no está caminando sobre el suelo, está caminando sobre una finca que está dando vueltas. Por la Ok, donc ça veut dire que il y a théorie en théorie, si je marche sur un tapis roulant. Entonces, en teoría, si estoy caminando sobre algo que está girando, ma tête ne bouge pas. La cabeza no gira. Ok, donc il n'y a pas de glissement rétinien. Entonces, no hay. C'est-à-dire que l'image de l'environnement de la rétine ne bouge pas sur ma rétine. Entonces, no hay. Bouge pas sur la rétine. Si, si j'avance en marchant, ma rétine voit l'environnement, les murs qui glissent. La rétine, lo que está viendo es que los muros van deslizándose. Si je marche sur place, pero si estoy caminando en el sitio, il n'y a plus ce qu'on appelle le glissement rétinien. No tenemos. Il n'y a plus de flux optique latéraux. No hay movimiento lateral a nivel de los ojos de la retina. Ça, c'est théorique, parce qu'on bouge quand même un petit peu. Es teórico porque no nos movemos en teoría. On peut penser aussi que la tête ne bougeant pas, le vestibule n'intervient pas. Entonces podemos pensar que si la cabeza no se mueve, el vestíbulo no está interviniendo. Okay. Donc, évidemment, il y a une force importante au niveau. Evidentemente, hay una fuerza importante a nivel de los pies. Et pourquoi c'est important que ce soit un tapis circulaire? ¿Y por qué es importante que sea un tapis, o sea, una cinta circular? La force centrifuge. Et la force centrifuge, qu'est-ce qu'elle va faire? La force centrifuge, qu'est-ce que va faire? D'accord, mais après, pour expliquer, expliquer la suite. Para explicar eso. Et puis, surtout, s'il y a la force centrifuge, si existe esta fuerza centrífuga, donc admettons que ça tourne comme ceci, entonces, si va circulando así, là, le plateau il a tendance à faire partir le bonhomme en dehors du plateau. Lo que pasa es que esta cinta va a hacer al hombre que está ahí irse hacia afuera de la cinta. Donc, c'est plutôt, à mon avis, au niveau des capteurs de champ. Entonces está más bien a nivel de los factores de campo qui sont plus superficiels et qui vont coder l'étirement. Que están a nivel más superficial y van a codificar el estiramiento. Parce que en fait, le pied est en contact avec le plateau. Porque de hecho el pie está en contacto con la plataforma. Et c'est plutôt le bonhomme qui est poussé latéralement. Y es más bien el hombre que está empujado hacia el lateral. Et la peau qui est collée sur le plateau. Y la piel está pegada a la plataforma. Donc ça veut dire qu'au niveau de la peau du pied, entonces, a nivel de la piel de la planta, on a un mouvement dans le plan horizontal. Tenemos un movimiento en el plano horizontal. Là, c'est moins les capteurs de pression, mais c'est la même idée. Alors, no son exactamente los capteurs de pression, pero es más o menos la misma idea. Maintenant, ça c'est intellectuel. Esto es intelectual. Peut-être que ça ne marchera pas comme ça. Pero puede que esto no vaya de todo. Donc, Gordon pour essayer de voir quel était le capteur vraiment qui marchait, l'oreille, les yeux, les pieds. Entonces Gordon, para saber cuál era exactamente el capteur que codificaba, el ojo, el pie, o le, tu as dit, le pie, le oeil, l'oreille. Et la oreja, l'oído. Il a retiré les pieds. Et retiré los pies, quitó los pies. Pour retirer les pieds, il met la personne sur un fauteuil roulant. Entonces, para quitar los pies, lo que hace es poner a la persona en una silla de ruedas. Fauteuil roulant ou debout. Avant de faire de marcher sur le plateau roulant, le résultat est le même. Si estamos de pie o estamos sobre la silla de ruedas, el resultado cuando vamos rectos es el mismo. Et si on met le fauteuil roulant sur le plateau, pero si colocamos el, la silla de ruedas sobre la plataforma, ben vous voyez qu'à ce moment-là, la personne se met à rouler droite. Veis que en este caso, la persona va recta. Donc, ça laisse supposer quoi? Entonces, esto que nos hace suponer? La différence entre debout et le fauteuil roulant, ben c'est les pieds. La diferencia entre de pie y silla de ruedas es el pie. Donc, cet auteur nous dit que l'apprentissage moteur est localisé dans le système kinesthésique tonal. Este autor nos dice que el aprendizaje motor está localizado en el sistema kinestésico tonal. Qui contrôle la rotation du tronc en fonction de la position des pieds. Que controla la rotación del tronco en función de la posición de los pies. Et si on revient un petit peu en arrière. Y si vamos un poquito para atrás, ça veut dire qu'une stimulation cutanée de 10 minutes à 1 heure. Entonces, esto significa que una estimulación cutánea de 10 minutos a una hora suffit pour entraîner une mémorisation d'un comportement locomoteur. Es suficiente para entrañar una memorización del comportamiento motor. Donc après, c'est pas étonnant si nous on extrapole et qu'on met des semelles qui vont stimuler quelqu'un pendant plusieurs semaines. Entonces, no es sorprendente que si estimulamos con unas plantillas una persona durante algunas semanas, que quand on retire les semelles, il y a toujours un bénéfice puisqu'il y a eu une mémorisation. Aunque quitemos las plantillas, sigue existiendo un beneficio porque existe un aprendizaje, una memorización. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Está claro. Et en ce moment, on est en train de trouver de plus en plus de pouvoir à la peau. Entonces, cada vez estamos encontrando mayor poder de la piel. Il y a un papier très récent de cette année ou l'année passée, je ne sais plus. Papier, moi. Donc, oui, un travail, une étude. Hay un estudio muy reciente de este año, el año pasado. Qui a montré que le premier niveau d'intégration chez l'homme, c'était la peau. Qui a démontré que la primera nivel de, el primer nivel de intégration en el hombre es a nivel de la piel. Intégration, ça veut dire réfléchir. Intégration significa reflexionar. Et aujourd'hui, dans tous les ouvrages, on va dire que la réflexion, c'est juste la matière grise. Todos los libros que tenemos hoy en día, cuando estamos hablando de integración, se dice que está a nivel. La materia gris. En la materia gris, sí, pero la integración. Pero, sí, la integración está en la materia gris. Y l'intérêt, c'est que l'intégration au niveau cutané. El interés de esto es que la integración a nivel cutáneo. Va se fait avant l'intégration corticale. Es que se hace antes que la integración a nivel cortical. Donc la peau est primordiale par rapport au côté cortical. Esto significa que la piel es primordial en relación a la parte cortical. Pour l'instant, il n'y a qu'une étude là-dessus, mais du coup, il y a de plus en plus de choses qui vont dans ce sens-là. Por ahora, solamente hay un estudio que dice esto, pero parece que van a aparecer. Ok. Alors, autre chose, pourquoi on parle de remédiation plutôt que de reprogrammation? Pourquoi estamos hablando de remediación en vez de hablar de la reprogramación? Donc, on avait vu précédemment que quand il y a un traumatisme crânien, estamos hablando y hemos visto que si hay un traumatismo craneal, l'onde de choc va a focalizar al endroit de traumatismo. La onda de choque se localiza en la zona del traumatismo. Mais également au niveau du tronc cérébral. Pero también a nivel del tronco cerebral. Où il y a tous les nerfs crâniens, notamment le nerf trigémin. Donde están todos los nervios craneales, sobre todo el trigémino. Et les noyaux oculomoteurs. Y los nódulos oculomotores. Et si on regarde ce qui se passe. Là, on est au niveau d'une coupe histologique d'un noyau oculomoteur. Entonces, si tenemos un corte histológico de un noyau, oculomotores. Et les points noirs que vous voyez, estos puntos negros que veis aquí, ce sont des corps neuronaux qui sont morts. On dit qu'ils sont hypnotiques. Son los cuerpos neuronales que están muertos. Donc, comment peut-on reprogrammer quelque chose qui ne marche pas? Entonces, ¿cómo podemos reprogramar algo que está muerto, que no va? C'est pas possible. Esto no es posible. Donc, la conduction, elle peut plus passer. Entonces, la conducción no pasa por aquí. Mais par contre, il y a d'autres cellules qui sont vivantes, comme celle-ci. Pero, por contra, hay unas células que están vivas. Et donc l'information peut passer par à côté. Entonces, l'information peut passer par le lado. Donc ça c'est le côté remédiation. Esto es el aspecto de la remediación. Donc les neurostimulations qu'on va donner. La neurostimulación lo vamos a dar. Permettent la remédiation. Es la estimulación que damos. Nos va a permitir la remediación. Et le, au niveau étymologique, remédier, ça veut dire rétablir l'équilibre, la guérison. Et à niveau étymologique, remédiation significa curar, remédier. Et rétablir l'équilibre. Restablecer l'équilibre. C'est bien ce qu'on veut faire. Alors, donc, est-ce que cette notion de mémorisation, de remédiation, elle est bien claire pour vous? Cette notion de remédiation est bien claire. Mais on est bien d'accord depuis ce qu'on dit depuis l'année dernière, c'est que avant de remédier, donc utiliser le capteur podal, il faut que le capteur podal soit fonctionnel. Pero es importante que antes de remediar y utilizar los captores podales, hay que desparasitarlos. À partir de là, une stimulation va modifier un capteur, l'information va aller au niveau du système nerveux, en retour on aura une variation du tonus et une modification de la régulation musculaire. Entonces vamos a tener un estímulo que va a los captores, que va al centro nervioso, hay una variación del tono y esto crea una modificación de la regulación muscular. Les rééducateurs, par exemple, los rééducadores, por ejemplo, savent que quand il y a des problèmes neurologiques, saben que cuando hay problemas neurológicos, l'influence de l'environnement sensoriel, des stimuli provenant de la périphérie, paraît déterminante dans la organisation de l'acte moteur. Los estímulos de la periferia parecen determinantes en la organización del acto motor. Donc, quand le côté moteur est perturbé, qu'est-ce qu'il faut faire? Entonces, cuando l'aspecto motor está perturbado, ¿qué es lo que hay que hacer? Stimuler notamment le côté cutané. Hay que estimular sobre todo el aspecto cutáneo. Ce qui fait que on peut penser que dans des pathologies neurologiques avérées, hay que pensar que las patologías neurológicas avérées, graves, verdaderas patologías neurológicas. Les stimulations cutanées sont certainement un des process les plus importants. Las estimulaciones cutáneas son seguramente las más importantes. Alors, je dis penser parce qu'aujourd'hui, j'en ai pas l'expertise, moi je vois pas beaucoup de patients neurologiques importants. Hay que decir pensar porque hoy en día él no tiene la suficiente experiencia porque normalmente no suele ver pacientes con patologías neurales verdaderas. Mais pensez par exemple qu'on peut améliorer les parkinsoniens. Podemos pensar, por ejemplo, con los que tienen Parkinson. Ils sont très rigides. Están muy rígidos. Si on les détend un petit peu, si los relajamos un poquito, ils vont. Sinon, ils n'arrivent pas à démarrer, puis ils partent. Et puis, pour tourner, c'est compliqué. Vous regardez, vous mettez vos semelles. Est-ce que la marche est plus simple? Est-ce qu'il démarre plus vite? Est-ce qu'il tourne mieux? Entonces, podemos ver, los que tienen Parkinson, si los relajamos un poquito, si pueden girar más fácil, pueden moverse más fácil de esta manera. On est d'accord? J'ai pas dit qu'on traitait le Parkinson. Esto no significa que estamos tratando el Parkinson. Mais on est capable d'aider les gens qui ont Parkinson. Pero podemos ser capaces de ayudar a la gente que tiene Parkinson. Quand vous avez des pathologies type hémiplégie ou des diplégies, si tenemos patologías tipo hemiplegia o diplegia, vous pouvez avoir des résultats, mais souvent les résultats sont plus longs. Pero podemos tener resultados, pero a veces esos resultados tardan más. Et pourquoi vous avez des résultats? Pero ¿por qué tener resultados? Parce que, en fait, pour venir à cette étape-là, de hecho, hay que venir a esta etapa de aquí. C'est que notre stimulation va obliger le système à utiliser d'autres voies de communication. Porque nuestros estímulos van a obligar al sistema a utilizar otras vías. Si on change pas de stimulation, on donne pas des stimulations qui modifient, si no le damos las estimulaciones que modifican, on va pas pouvoir rééduquer. No podremos reeducarlo. On va pas pouvoir reprogrammer. No lo podremos reprogramar. Donc, pour arriver à faire fonctionner le système, il faut le faire passer par un autre chemin. Para hacer que el sistema funcione otra vez, le tenemos que ayudar a que vaya por otro camino. Donc, dans le cadre de l'hémiplégie, par exemple, en el cuadro de las hemiplegias, por ejemplo, pour vous donner une idée un petit peu caricaturale, para daros una idea un poquito caricatural, on pourrait mettre n'importe quoi sous le pied. Da igual lo que pongamos debajo del pie. Ça obligerait à changer le chemin. Esto lo va a obligar a que cambie de camino. Sans tenir compte véritablement de ce dont il a besoin au niveau postural. Le truc le plus important au départ, sûrement, c'est de le changer de système. Esto sin tener en cuenta a nivel postural lo que necesita, lo que le va a ayudar es a cambiar de camino. ¿Cómo es que puede ver la valoración de una empresa de pie mucho grande? La persona que no es capaz de ver de todo el tiempo. Reste de jeu. Un posturo dinámico, ¿se tiene combien de tiempo? Un posturo dinámico, ¿cuánto tiempo te lleva? Esa persona. Tu ne vas pas prendre une hémiplégique qui est allongée. No vas a coger un hemiplégico que está tumbado. Sí, pero ahí van a haber diferentes tipos de personas con diferentes alteraciones y normalmente tienen más miedo. O sea, de hecho, no se quiere pensar ni al lado en el que no controlan bien porque tienen hasta a caerse. Entonces, ¿cómo lo explican? Te dije que beaucoup de fois, ils ont peur de faire una. De arena, tu rassures la personne, tu le fais sur le sol, tu la tiens la personne. Lo que tienes que hacer es asegurar a la persona, lo pones bien en el suelo y le puedes colar a la persona. Mais en règle générale, il va pouvoir y avoir, peut-être que l'amplitude ne va pas être très importante. Et peut-être l'amplitude ne va pas être très importante. Et si le posturodynamique ne marche pas, tu peux faire la rotation de tête. Tu peux faire la hauteur des épaules, tu peux faire le test des pouces, tu peux faire la manœuvre de convergence tonale, tu peux faire plein de choses. Si el posturo dinámico no te sirve, puedes hacer rotación de cabeza, la altura de los hombros, puedes hacer el Asani, puedes hacer la MCP, puedes hacer un poco más. Mais on peut aider, encore une fois, on peut aider des hémiplégiques, on ne va pas retirer l'hémiplégie. Donc il faut, c'est des gens qui ont déjà fait de la rééducation. Après une hémiplégie, ils ne vont pas venir te voir, ils vont venir dans, ils vont dans un centre de rééducation. Hay que tener en cuenta que nosotros no les vamos a quitar la hemiplegia. Entonces, tienen la hemiplegia, han ido a sus centros de recuperación y bueno. Y si vienen te voir, après un problema neurológico, c'est que en règle générale, ils tiennent debout. En principio, si te vienen a ti, es que al menos suelen mantenerte debout. Estaba pensando en una persona en concreto que bastante dolor y pasa mucho tiempo sin dar y tiene miedo a venir a una vez. Elle a un cas concret qui est un patient qui a beaucoup de problèmes pour la mobilité et si elle est assise, il ne peut pas beaucoup de temps. Mais il vient te voir pour des semaines ou pour des soins? Pero te viene por los quiropodios o te viene por los patillas? No, venía por una por un tratamiento con láser. On a essayé les stimulations plantaires, s'il a les pieds au sol, elle fonctionne. Podemos intentar unas estimulaciones debajo del pie y si pones los pies en el suelo es suficiente. Tu fais peut-être que la posture dynamique cervical. Puede que haga solamente postura dinámica cervical. Mais des gens qui sont venus me consulter pour de la posturologie, qui sont venus en fauteuil roulant, j'en ai peut-être vu trois depuis 30 ans. Quand même. Que dice que en 30 años, como posturologue, le habrán venido para eso, para posturología. Una silla de ruedas en 30 años habrá visto tres. Ah, bon. Maintenant, dans quelques années, il y aura peut-être des posturologues dans les services de neurologie. Puede que en unos 30 años haya posturologos en los servicios de neurología. ¿Qué es lo que puede mejorar más la ansiedad? Gestión planea, espacial o reflexión y van circulando. Je vais vous donner un cas clinique. Je vais vous raconter un cas clinique. J'ai une patiente, elle se fait, elle est opérée d'un problème de sciatique. Elle a une patiente qui est opérée d'un problème sciatique. C'est très banal. Suite à l'intervention chirurgicale, elle a une perturbation au niveau de son nerf fibulaire superficiel. Después de la intervención quirúrgica, tiene una alteración del nervio peroneo superficial y profundo. Entonces, ¿qué es que se pasa? Esther. ¿Qué pasa entonces? Esther. Entonces, moi, cuando yo la vois, elle a pasado plusieurs mois dans un centre de rééducation. Entonces, ha pasado varios meses en el centro de rehabilitación. Et il y a quelques temps, souvent dans les centres de rééducation, il te réduit pas véritablement. Muchas veces en estos centros de reeducación no te reeducan realmente. Parce qu'ils sont dans l'idée que le système nerveux il n'est pas plastique. Porque están en la idea de que el sistema nervioso no es plástico. Donc moi quand je la vois, viens consulter avec les chaussures orthopédiques et une attelle anti-stépage. Y cuando vino venía con unos zapatos ortopédicos y con una pérola anti-stépage. Donc c'est une femme jeune, 30-35 ans. Es una mujer joven de 35 años. Donc, première étape, je lui demande de retirer ses chaussures orthopédiques. Primero, en una primera etapa le pidió que se quitara las zapatillas ortopédicas. Parce qu'ils sont gourdes. Porque son gordas. Et d'acheter des baskets toutes simples, le plus légères possible, dans lesquelles on puisse mettre les seins. Y le pidió que comprara unas zapatillas de deporte, los más más simples posibles, tienes que llevar las plantillas. Et puis, ça se passe plutôt bien. Y esto por ahora se fue bien. Je la vois de temps en temps. La ve de vez en cuando. En faisant des traitements manuels en même temps. Haciendo también terapia manual al mismo tiempo. Et au bout d'un certain temps, on a pu lui retirer son appel. Y después de cierto tiempo, le pudieron quitar la célula anti-tumor. Donc aujourd'hui, c'est une jeune femme qui vit normalement. Et ahora es una persona que vive normalmente. Elle ne va pas courir le marathon. No va poder correr una maratón. Hein, mais pour une fille, ne pas avoir de chaussures orthopédiques, pas avoir d'attelle, c'est plutôt sympathique. Pero para una mujer, no llevar calzado ortopédico y no llevar una pelota anti-tumor es bastante agradable. Et par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les pédicures podologues, sont habitués soit à travers les soins à avoir des résultats immédiats. Estamos habituados a, por ejemplo, con las quiropodias, a tener resultados inmediatos. Avec les semaines de posture, avoir des résultats, on va dire, à un mois ou deux. Y con las plantillas posturales, a tener resultados a un mes, dos meses. Mais là, quand le système neurologique a vraiment été traumatisé, pero cuando realmente el sistema nervioso ha sido traumatizado, il va falloir, ça va se faire sur des mois, voire des années. Lo que hay que valorar no es a los meses, es a los años. Donc, ce qui est important quand on prend en charge ce type de patient, entonces, cuando cogemos a estos pacientes, et surtout de changer le côté échelle temporelle. Lo que hay que cambiar es el esquema temporal. Les résultats, ce sera 6 mois, ce sera un an. Los resultados serán los 6 meses, un año. Hein? Mais il y a l'air d'avoir des choses qui sont intéressantes. Pero hay chance. Se pueden conseguir cosas interesantes. Moi, j'en vois pas beaucoup. Si certains d'entre vous travaillent en milieu spécialisé, ça peut être intéressant. Él no lo hace, pero si alguien trabaja en un medio especializado, puede ser interesante. En tout cas, puisqu'on parle de l'hémiplégie, porque cuando hablamos de hemiplégicos, quand vous avez un pied qui est en supination, cuando tenemos un pie que está en supinación, ça me paraît une très mauvaise idée de mettre des reliefs latéraux pour le remettre en pronation. Le parece una idea bastante mala de colocar una relieve lateral para que se pueda. Ce que vous allez faire que manifester la spasticité. Porque lo que vamos a hacer es todavía manifestar más esta espasticidad. Entonces, si el aspecto motor está, cuando está perturbado el aspecto motor, hay que estimular a nivel de la piel. Estamos diciendo que es más interesante, por ejemplo, la PNS que una rehabilitación muscular. Pregunto. Yo vi que la estimulación sube la boca. Entonces, se prioriza la PNS que les deux ne sont pas du tout incompatibles. Non, sont incompatibles les deux. Ah, mais il est plus logique d'ouvrir d'abord les voies de communication. Pero es lógico abrir primero las vías de comunicación. Et dans un deuxième temps, de faire de la rééducation. Ok. Donc. La remédiation posturale, c'est-à-dire que quelqu'un qui se tient en avant. La remédiation posturale, c'est celui qui se va hacia adelante. On va le redresser un petit peu. Lo que vamos a hacer es retrasarlo un poco. Souvent, notamment les personnes âgées, sobre todo las personas ancianas, elles sentent et partent en avant. Moi, je dis, elles piquent du nez. Le nez, il a piqué. Piquer du nez, ça veut dire partir en avant. C'est trop bien. Se van para adelante, van pinchando con la nariz. Et déjà sur le podoscope. También sobre el podoscopio. Souvent, on va sentir, on va dire, ah bah oui, je me sens mieux, je me sens plus droit, je me sens plus ouvert. Te dicen, ah mira, me siento más recto, me siento más abierto. Notamment chez la personne âgée, on va souvent utiliser des bandes internes. Muchas veces en personas ancianas vamos a utilizar las bandas internas. Il n'y a pas juste à la reculer, il faut aussi l'ouvrir souvent. No hay que hacer sobre todo retrasarlo, hay que abrir. Est-ce que vous avez vérifié ça auprès de vos patients? Que certains vous disent déjà, avec les semelles sous le pied, ah, je suis plus confortable, je suis mieux, c'est plus sympa. Notáis que cuando que los pacientes os dicen, cuando les pones solamente los estímulos, que ah, mira, estoy más recto, estoy más cómodo, estoy. Y certains vous disent, ah, bah oui, je suis plus droit. Y algunos te dirán, mira, estoy más recto. Donc, interroger vos patients aussi, c'est une partie qui est intéressante. Preguntar a los pacientes que no, porque es una parte interesante. Alors, bon, au niveau de la littérature, il n'y a pas encore énormément de choses sur les semelles. Et le traitement des lombalgies. A nivel de literatura no hay mucha cosa en relación a plantillas y lumbalgias. Ah, mais Chabat a utilisé les semelles et il a validé le confort. Pero Chabat utilizó las plantillas y valoró el confort. Il a fait ça chez des postiers, des gens qui marchaient longtemps. Esto hizo con los carteros que caminan durante mucho tiempo. Et les gens, 81% des gens étaient plus confortables avec des semelles. Y el 81% de los carteros estaban más confortables con las plantillas. Des semelles, comment on pourrait dire, efficaces qu'avec des placebo. Las plantillas eran eficaces comparando con las plantillas que eran placebo. Également au niveau de la douleur. Y también a nivel del dolor. Avec un score qui est le million. Que con la puntuación que es de un millón. Vous voyez qu'avec les semelles, il y avait des variations qui étaient hautement significatives. Hay una variación que es altamente significativa. Les placebos n'entraînaient pas de variation. El placebo no entraña variación. Et quand on est sur l'intensité de la douleur. Y cuando estamos en la intensidad del dolor. De la même façon, on a des variations qui sont significatives. Plus récemment, il y a Ferrari qui avait des questionnaires de qualité de vie. Más recientemente está Ferrari que tiene cuestionarios de calidad de vida. Qui a montré une réduction significative de la douleur. Que demuestra una disminución significativa del dolor. Au niveau des lombalgies et des douleurs des membres inférieurs. A nivel de lumbalgias y dolores de los miembros inferiores. Et plus récemment, il y a eu une étude qui était un mémoire de posturopathie. Y más recientemente hay un estudio que es una memoria de posturopatía. Donc qui a été faite pour Connaissance Evolution par deux stagiaires. Que fue hecha por Connaissance Evolution con dos alumnos. Qui ont examiné 57 patients lombalgiques. Que estudiaron 57 pacientes con lumbalgias. Chroniques. Elles en ont traité 30. Avec des semelles de posture. Et elles en ont pris 27 comme témoins qui avaient simplement eu des soins de pédicure. Y cogieron 27 que hicieron solamente las quiropodias. Les résultats. Au niveau de l'échelle visuelle analogique. Los resultados a nivel de escala visual analógico. Au niveau de Eiffel, qui est un questionnaire de fonction. Et à niveau de Eiffel, qui est un questionnaire de fonction. Et le posture dynamique. Et le posture dynamique. Quand on est en bleu ciel, ça va changer. Quand. Bleu ciel, ça va changer. Le ciel, azul. Bleu, azul. Ah, clair. L'azul clarito no cambia. Voilà. Vert, ça a changé. Le verde, sí que cambia. Rouge, ça s'aggrave. Y los rojos son los que empeoran. Donc vous voyez que il n'y a pas besoin de statistiques. No hace falta hacer estadísticas en este caso. Pour voir qu'il y a des variations qui sont significatives. Para ver que hay unas variaciones que son muy significativas. Dans le sens de l'amélioration. En el sentido de la mejoría. De la douleur. Del dolor. De la fonction. De la función. Et de la mobilité. Y de la movilidad. Maintenant, il faudrait d'autres études comme ça hein, pour pouvoir montrer que ce qu'on fait, ça a un niveau d'efficacité. Habría falta más estudios para decir que lo que hacemos es eficaz. Donc, est-ce que sur ce côté-là, vous avez des questions, des observations? ¿Tenéis preguntas sobre esto? Yo tengo una pregunta. Un amigo la remuneración. No me queda muy claro. Solamente la remuneración es el movimiento. Il n'a pas très clair. On fait comment la remédiation? Seulement avec le bas? Est-ce que c'est ce qu'on a dit en cours? Il y a pas comment dire ça? Il y a pas comment dire ça? Il y a pas comment dire ça? Est-ce qu'un médium interne pourrait faire de la remédiation posturale ou pas? Un ami, tu peux faire la remédiation posturale? Si, non. Sí. Lo que haga el paciente, sí, pero o sea, si la remediación como la radiación, ¿no? Donc, mais si vous avez suivi le cours, on n'a jamais dit qu'il y avait qu'un élément pour la remédiation. Des barres sous-pulpaires, des barres sous-tuberositaires, un médium interne peut participer à faire de la remédiation. On va reprendre le côté un petit peu biomécanique. Vamos a coger el aspecto biomecánico. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la stabilité, il va y avoir un compromis entre la stabilisation et la mobilité. Ahí tenemos que tener en cuenta que la estabilidad y un compromiso entre la estabilidad y la movilidad. Donc, si j'ai une pyramide, si tengo una pirámide, c'est très stable. Muy estable. Mais l'inconvénient, c'est que c'est peu mobile. Pero el inconveniente es que es muy poco mobile. Si je mets ça dans l'autre sens, la pyramide inversée, si colocamos la pirámide invertida, ça devient très mobile. Es muy móvil. Mais c'est plus compliqué d'être stable. Pero es muy complicado estabilizarlo. Donc il va falloir arriver à gérer les deux en même temps. Entonces tenemos que llegar a juntar los dos al mismo tiempo. Y si la estabilidad es buena, va a avoir des conséquences. Si la estabilidad no es buena, va a tener sus consecuencias. Imaginez qu'à côté de chez vous, il y a un cirque qui arrive. Imaginaos que en vuestra ciudad llega un circo. Et on veut monter la tente. Y queréis montar la tienda. Donc on va monter déjà un mât. Y entonces colocamos una barra. Et pour que le mât se reste à la figure, y para que no se caiga, il va falloir mettre des haubans, des cordes. Y lo que tenemos que colocar son las puertas. Et ce qu'on disait précédemment pour le pont de Séville, et lo que hemos dicho antes del puente de Sevilla, pour la partie la plus haute du mât, para la parte más alta de la vara, on est obligé d'aller le plus loin possible. Estamos obligados de ir lo más lejos posible. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Esto está claro. Maintenant, si on a un pied qui est très très grand, si tenemos un pied que es muy muy grande, on a une bonne stabilité, mais ça va être compliqué pour la dynamique. Lo que nos va a pasar es que la estabilidad sea muy buena, pero para movernos nos va a costar. Donc le corps il a trouvé une astuce. Entonces el cuerpo encuentra una solución. Excusez-moi, je suis perdu dans mes diapos, c'est pas dans l'ordre logique. Tu as perdu la diapositive. Non, c'est pas grave. On va passer directement là. Donc, en fait, il va falloir réduire la surface. Entonces, lo que hace falta es reducir la superficie. Et on va plier le pied en deux. Y lo que vamos a hacer es doblar. regular el viento. Donc ça va faire en fait ce système là. Y lo que vamos a hacer es este sistema de aquí. Oui, il y a un axe. Aquí hay un eje. Donc ça veut dire que ce qui est le plus en arrière là, si on plie, c'est ce qui va devenir le plus en avant. Lo que significa es lo que está en el primero más atrás, cuando lo plegamos, y es lo que queda más adelante. Est-ce que c'est clair pour vous? ¿Está claro esto? No. Si je mets. Tu me mets une feuille? Une feuille. Merci. Il y a l'axe corporel. L'axe corporel. D'accord? Si je veux que ça soit très stable, il faut que j'ai une base d'appui qui soit très large. Si quiero que sea estable, necesitamos una base de apoyo amplia. Donc, on a vu que si je suis positionné à cet endroit-là, ce qui va être tout en haut doit pouvoir venir se fixer le plus loin possible de la base. Entonces, lo que está atado lo más alto, para fijarlo hay que ir a lo más lejos posible. On est d'accord. Sí. Pour arriver à diminuer la base, para llegar a disminuir la, la base, il faut que je fasse quoi? Tenemos que hacer esto. Que je l'appuie. Plegamos. Donc en fait, je crée un levier. Lo doblamos y estamos creando una palanca. Et ce qui fait que là, le point qui est le plus en arrière, y esto hace que el punto que está más atrás, il va devenir de l'autre côté le plus en d'avant. Del otro lado, o sea, cuando lo doblamos, es el que va a estar más adelantado. C'est l'arrière. Ahí es atrás. Ok. Si je plie, cuando doblamos, ça devient en avant. Mais d'accord. Cuando lo doblamos, se vuelve delante. Donc, ça veut dire que concrètement, esto significa que concretamente, ce qu'on évoquait précédemment, lo que hemos evocado antes, que les cervicales elles vont être maintenues par un levier qui est au niveau des hépatas. Las cervicales van a estar mantenidas por una palanca que va a nivel de los metas. Les dorsales au niveau du medio pied. Las dorsales a nivel del medio pie. Et les lombaires au niveau de la partie antérieure de l'arrière. Y las lombares a nivel de la parte anterior más posterior. Partie antérieure de l'arrière. La parte anterior del retro. Ok. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Está claro. Non. C'est une hypothèse biomécanique. Mais quand on essaye, vous avez essayé ce matin, globalement ça marche plutôt bien. Pero lo habéis comprobado ya la mañana que normalmente esto funciona bastante bien. Et le coccyx serait dans ce modèle-là en rapport avec les, les tubérosités postérieures du calcanéen. Y el coccyx se va a dar la tuberosidad posterior del calcanéen. Est-ce que c'est un peu très clair pour vous? ¿Está más o menos claro esto? Et quand quand on dit que le centre de gravité, il est à peu près au niveau de S2. Y cuando decimos que el centro de gravedad está más o menos a nivel de S2. Donc, le centre de gravité correspondrait plus ou moins à l'axe du mouvement. El eje de centro de gravedad va correspondre más o menos al eje de movimiento. Donc, on considère que le pied et le calcanéen sont un levier va permettre de travailler aux différents levages. Les calcanios sont une palanca qui va nous aider à fonctionner à différentes étapes. Donc, on reprend ce qu'on a vu ce matin. Entonces, lo volvemos a tomar lo que et donc, là, vous avez la superposition, si vous voulez, entre le corps, le pied, avec une explication dans le domaine mécanique. Et ici, nous avons la superposition du cuerpo et du pied dans le domaine mécanique. Donc, quand on va faire des stimulations réflexes qui sont spécifiques, quand on dit qu'il y a des stimulations qui sont spécifiques, l'élément antéro interne, surtout en rapport avec les cervicales. Et l'élément antéro interne, surtout à niveau cervical. Le MI avec les thoraciques. Et le MI à niveau thoracique. Le PI avec les lombaires. Et le PI à niveau lumbar. Et le STI avec le côté sacro-coccygien. Et le STI à niveau sacro-coccygien. Tout ça, c'est OK pour vous. con el test de valores como hemos visto esta mañana. se lleva a cabo tumbado, o sea, en horizontal. De normal el EMI va... El tema sí, o el EMI, darle otro, quizás. En horizontal. Como tienes que ir... Va a vertical, horizontal. No. De normal se pone horizontal. Eso va a lado, sí, pero como lo tienes que dividir, como para desparasitar, y ahí lo ha dividido en tres partes, y no sabes si el EMI lo divide o como era. Un EMI es así. Où tu prends le tiers antérieur, le tiers moyen ou le tiers postérieur. Entonces, divides en tres y coges el tiers antérieur y el posterior. Y entonces colocas un estímulo más o menos desde la y tú puedes encore éventuellement par la suite encore plus spécifique. E incluso puede ser más específico. Que nos hacía, o sea, yo estuve haciendo el saquete de las voces que no han tenido vosotros, o sea, que están unas subaladas así. Entonces, yo pensaba que eso se utilizaba de. No sabía cómo se utilizaba, entonces me estoy dando cuenta de que es como la división de estas cosas. No sé de qué me habla, o sea, yo he tenido la vida en la área de la vida. Sí, sí, ya está. ¿Está claro? Un mes de tú o faut que la stimulation touche la polyquée. Lo que es evidente es que el estímulo tiene que tocar el pie. Donc, ça va dépendre aussi du chaussant. Esto va a depender también del calzado que usa. Si tu as une femme qui a un pied creux et qui met des chaussures à talons. Si tienes una persona que tiene el pie cao y está usando zapatos de tacón. Donc, on peut faire une semelle thermosoudée classique. Podemos hacer una plantilla termosoldada classique. Par contre, si elle met des baskets. Pero si está usando deportiva. Peut-être qu'à ce moment-là, il faudra faire une semelle thermoformée pour remonter le sol au pied. Quizás tengamos que hacer una plantilla termoformada para subir el suelo a. Mais c'est véritablement exceptionnel. Pero es muy excepcional. D'autres questions ?